La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lisez Rimbaud, ne lisez pas Verlaine, écrivait Les Surréalistes dans un tract de 1931. Et pourtant sans Verlaine, pas de Rimbaud, du moins pas célèbre comme il l'est aujourd'hui. Car non seulement les deux poètes se sont influencés l'un l'autre, mais en plus Verlaine a édité les œuvres de celui qu'il avait tant aimé, lui offrant ainsi son immense postérité actuelle. Verlaine, le Saturnien, n'avait pas la séduction solaire de son jeune amoureux, mais il en avait bien d'autres. Certes, ses frasques sont légendaires, il était violent avec ses proches et ivrogne depuis ses jeunes années, mais son rire d'enfant venait les contredire ses frasques, comme en témoignent ceux qui l'ont connu. Sa vie, nous l'avons raconté lundi avec Jean-Baptiste Barognan au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Et puis demain, Myriam Robic viendra nous parler de l'érotisme verlainien, avant que jeudi, Guy Goffet, grand amoureux de Verlaine, ne vienne partager avec nous son admiration pour l'auteur de Sagesse. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des influences croisées des œuvres de Verlaine et Rimbaud, pour évoquer aussi leur rapport à la politique, nous sommes avec Henri Skepy, directeur de recherche en littérature française à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de la poésie de la seconde moitié du 19e siècle. Il a édité avec Yann Frémy et Solène Dupas le volume Quarto chez Gallimard, qui réunit l'intégrale de l'œuvre poétique de Rimbaud et une sélection de celle de Verlaine. Cet ouvrage intitulé Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, un concert d'enfer, vie et poésie, ouvrage qui raconte ce roman de vivre à deux hommes dont on comprend mieux la teneur en écoutant par exemple cette lettre de Rimbaud à Verlaine après que celui-ci a quitté l'Angleterre et quitté aussi son ami, lassé par leur violente dispute. Écoutez. Cher ami, j'ai ta lettre datée en mer. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis-y. Ah, certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Et puisque je te jure d'être gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net, que je t'aime bien, si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu fais un crime. Et tu t'en repentiras de longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tout ce que tu as éprouvé. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. Quant à moi, je ne rentre pas chez ma mère, je vais à Paris. Je tâcherai d'être parti lundi soir. Si tu veux m'adresser des lettres, envoie à L. Forain, 289 rue Saint-Jacques, pour Arthur Rimbaud. Il sera mon adresse. Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant, je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot, c'est « reviens ». Je veux être avec toi, je t'aime. Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains. Mais je t'aime, je t'embrasse et nous nous reverrons. Une lecture par Guillaume Gallienne. Bonjour Henri Skepy. Bonjour. C'est donc bien un roman que l'histoire de cette relation Rimbaud-Verlaine. C'est même Verlaine qui a parlé précisément du roman de vivre à deux hommes. Oui, oui, oui. C'est un roman, si l'on accorde à ce terme au moins deux significations. La première, évidemment, la plus immédiate, c'est que c'est un récit. Un récit pimenté de péripéties, d'épisodes parfois un peu, voilà, un peu scabreux. Des vies très romanesques. Voilà, scandaleux. Une vie romanesque et un roman aussi au sens où on l'entendait au 19e, c'est-à-dire une histoire de passion et de sentiments très profondément ancrée, dans la, très profondément incarnée hein, dans la vie des deux protagonistes. Roman, oui, c'est le mot qu'utilise effectivement Verlaine dans ce magnifique poème « Laeti et Terabundi ». Et alors cette aventure à deux, on peut dire qu'elle a été tantôt à l'unisson, mais tantôt et peut-être même plus souvent dans la discordance. Oui, oui, je crois le plus souvent en effet dans l'opposition, dans la tension, dans des formes de déchirement parfois extrêmement violents. Vous l'avez rappelé dans votre petit chapeau d'introduction. Il est vrai que cette vie est scandée hein, de moments de crise, la plus violente, la plus démonstrative, la plus dramatique évidemment étant celle du 10 juillet 1873 sur laquelle nous reviendrons peut-être. Qui voit Verlaine donc usé d'une arme à feu et tiré sur Rimbaud. Bon, c'est devenu une sorte de, je dirais, de moment dans le mythe Rimbaud, dans le roman des deux hommes aussi. Hein. Donc effectivement, à partir de là, les choses se décident. Hein. Je veux dire que le sort, puisque dans le roman il y a aussi l'idée d'une aventure destinale, le sort des deux hommes est scellé à partir du moment où effectivement ont été tirés ces coups de feu. Il y avait un destin. Non, tout de suite, dans cette histoire, qu'il devait se réaliser. Je crois que l'un et l'autre avaient le sentiment tout de même de participer d'une aventure qui dépassait très largement leur propre existence limitée, personnelle, leur petit manège personnel. Ils avaient non seulement conscience, et Verlaine, autant que Rimbaud d'ailleurs, de participer d'une histoire de la poésie, d'une histoire de la politique, d'être embarqué dans une aventure sociale et existentielle. Je crois qu'ils en avaient vraiment conscience. Ils ne s'en ouvraient pas de façon démonstrative, ni de façon éloquente parfois, mais tout de même, lorsqu'on lit certains textes avec attention, alors bien évidemment, parmi ceux-là, je pense aux fameuses lettres dites du voyant, et notamment celle du 15 mai 1871, celle à Paul de Meuny, qui est tout de même une lettre très, très politique, si vous la lisez au fond, hein, je veux dire. Donc il y a une sorte de croisement, d'emmêlement de différents plans qui articulent, si vous voulez, une vie à un destin. Oui, ça c'est clair. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire, ou en tout cas c'est une question que je vous pose, que cette amitié, cet amour ressemble à celui que, par exemple, La Boétie et Montaigne avaient. On ne peut pas dire parce que c'était lui, parce que c'était moi, nous nous sommes rencontrés en parlant de Verlaine et Rimbaud. Il y a quelque chose de différent. Et même Verlaine s'en rendait compte, vous venez de le dire, tous les deux sans doute s'en rendaient compte, mais Verlaine l'a écrit puisqu'il parlait de son cas Rimbaud et il disait que ce cas Rimbaud était en effet très curieux. Oui, il y a quelque chose d'étrange, si vous voulez. Je crois qu'ils emploient l'un et l'autre le même mot pour se qualifier réciproquement et qualifier leur poésie, c'est-à-dire indirectement eux-mêmes. C'est le mot effrayant. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez monstrueux chez l'un comme chez l'autre. Quelque chose de bizarre, au sens où le bizarre échappe aux catégories, je dirais, ordinaires de la perception, de la compréhension. Des normes éthiques comme d'ailleurs des normes esthétiques. D'ailleurs, j'y repense en vous parlant, c'est l'une des épithètes, enfin l'un des qualificatifs qu'utilise Rimbaud dans sa lettre à Isambard lorsque nous sommes, je crois, au mois de juin 1870, lorsque il lui fait part de sa lecture de façon très discrète des Fêtes Galantes. Et il cite un vers d'un poème des Fêtes Galantes sur lequel peut-être nous reviendrons tout à l'heure. Oui. Recueil de Verlaine. Voilà, c'est un recueil de Verlaine qui date de 69. Et il dit, c'est bizarre. Quelque chose de bizarre. Il perçoit immédiatement, c'est un jeune lecteur, mais un lecteur déjà très aguerri, il perçoit immédiatement la note dissonante. Justement, vous parliez de cette discordance fondamentale, il la sent, il la remarque, il la souligne. Et c'est vers cela qu'il va. Mais alors leurs œuvres sont toutes les deux bizarres, parce que Verlaine aussi trouve étranges les textes de Rimbaud. Qu'ont-elles de fondamentalement commun, avant même qu'ils se rencontrent ou alors qu'est-ce que ces deux personnages, mais peut-être qu'aujourd'hui il faut davantage parler des œuvres, puisque hier on a beaucoup parlé de la biographie. Oui. Qu'est-ce que ces deux œuvres ont fondamentalement de commun ? Il est très difficile de répondre directement à cette question, qui est une vraie question, c'est-à-dire qui ouvre effectivement un champ de réflexion, on va dire. Hein, et ce champ de réflexion doit prendre appui, en effet, sur les textes. Bon, si l'on devait simplifier et résumer à quelques traits, disons, significatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bon, il est frappant de constater que lorsque Verlaine appelle Rimbaud, hein, il lui dit dans sa lettre « Vous êtes armé en guerre », c'est-à-dire « Vous êtes doté puissamment de l'appareil ». Poétique. Et cet appareil peut, quand il est, comme c'est votre cas, armé, c'est-à-dire amorcé, si vous voulez, prêt à frapper, eh bien, il peut faire évidemment des dégâts considérables, c'est-à-dire toucher dans le mille, faire voler en éclats tous les édifices, etc. Il a compris cela. Il a compris que, effectivement, ce petit poète, ce jeune poète, qui lui envoie des textes, et qui dit son désir de monter à Paris, enfin d'aller à Paris, de quitter cette ville de province dans laquelle il a le sentiment de croupir, eh bien, il est déjà porteur de quelque chose qui est d'abord un verbe, un langage puissant, armé, offensif. Offensif. Et c'est, me semble-t-il, ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est cela, c'est la recherche d'un verbe offensif. Chez Verlaine, du premier vers, si vous voulez, hein, du poème envoyé à Hugo, Les Morts, jusqu'au dernier, on note cette permanence du goût, de la satire, de l'invective. Il y a cet instinct de l'attaque, si vous voulez, et chez Rimbaud aussi. Et il y a peut-être aussi une figure en commun, un positionnement commun dans l'histoire de la littérature. Et cette figure en commun, c'est celle de Baudelaire. C'est celle de Baudelaire, oui, absolument. Oui. Baudelaire sur lequel Verlaine, dès 1865, c'est d'ailleurs, me semble-t-il, l'un de ses premiers articles. C'est son premier article critique. Voilà, c'est cela, publié dans l'art. Je crois qu'il fait paraître un article sur Barbet d'Aurevilly et un article sur Baudelaire. Et il c'est véritablement un essai sur Baudelaire, véritablement construit, très approfondi, dans lequel Verlaine montre qu'il a bien lu, bien compris Baudelaire. Alors c'est le Baudelaire de 65, c'est-à-dire celui qu'on veut... qu'on cherche à tirer du côté du Parnasse un peu, qu'on veut ranger du côté des impassibles, comme on disait alors. Mais Verlaine perçoit chez cet écrivain quelque chose de particulier, une note, une touche, et précisément cette catégorie sur laquelle vous avez mis le doigt tout à l'heure, faisant mouche directement, catégorie de la discordance, ce qui ne chante pas juste, ce qui détonne. Et ça, c'est nouveau, c'est moderne, pourrait-on dire. Enfin, en tout cas, Verlaine utilise ce mot de moderne pour qualifier Baudelaire. Bien sûr, c'est une des signatures de cette modernité-là, effet, de cette modernité-là, que la recherche, en effet, de l'irrégulier, d'une forme de bizarrerie. Le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire. Alors, il prend un exemple en parlant de Baudelaire, Verlaine. Il dit, quand Baudelaire parle d'amour, c'est de l'amour d'un Parisien d'aujourd'hui, d'un Parisien du 19e siècle, dont il parle. Il ne parle pas de l'amour que les Parnassiens auraient célébré, une espèce d'amour pur, par exemple. C'est cela. Quoi qu'il faille, il faudrait quand même être prudent avec le Parnasse, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois effectivement à ranger sous la même étiquette, un peu figée, des réalités qui sont très très différentes. Mais en tout cas, vous avez raison, en effet, il y a dans une certaine poésie parnassienne qui continue une forme de classicisme, il y a ce goût du lys. Donc le Parnasse, pour résumer à gros traits, disons, c'est l'art pour l'art. Voilà, une recherche, disons, raffinée de la forme, une esthétique du formel, pourrait-on dire, mais le mot formel peut sembler ici péjoratif, mais c'est un petit peu cela. Et alors, il y a une tendance du Parnasse qui se marque dans ce sens, mais tout le Parnasse ne va pas dans cette direction. Et il est clair que Verlaine est pris entre deux types de discours. Un discours qui est en effet résolument parnassien et qui consiste à dire fi du romantisme. Il y en a vraiment marre, en gros, des lamentations, des sentiments, des effusions, de sentiments, du lyrisme effusif, bien, dont Lamartine fait les frais, pour ainsi dire, de façon extrêmement caricaturale. C'est ainsi. Alors, il est donc, effectivement, le promoteur d'une vision très parnassienne de la poésie. De ce côté-là, on pourrait dire qu'il est plutôt un formiste. Mais, dans le même temps, il comprend avec Baudelaire que la poésie ne peut pas être tout entière réduite à de la forme, à la recherche d'une pureté esthétique, qu'elle est aussi l'impur par définition, c'est-à-dire, en effet, le corps, la négativité, la souffrance, etc. Donc c'est ça, peut-être, qu'il faut souligner, c'est que Verlaine, ça n'est pas la tabula rasa de tout ce qui s'est fait auparavant, c'est simplement de prendre en compte un certain nombre de contingences, pourrait-on dire, au premier rang desquelles le désir, qui est absolument plus fort que tout, en tous les cas, pour ce qu'il concerne. Tout à fait, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait cela, et je pense que la poésie de Verlaine, de A jusqu'à Z, des commencements jusqu'à la fin, aura été en effet cette tentative toujours recommencée de réarmer le désir, de faire qu'il existe dans les mots, et qu'il ne soit pas en effet une sorte de forme abstraite, évaporée, édulcorée. Hein. Le désir est là, avec parfois ses brutalités. Compagnie des auteurs sur France Culture, nous cherchons à mettre en regard les œuvres d'Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine aujourd'hui avec Henri Skepi. Chez l'un comme chez l'autre, il y a en effet ce rapport au corps qui doit être de l'ordre de l'expérience. Chez Rimbaud comme chez Verlaine, le corps n'est pas une abstraction, c'est quelque chose, et ils l'ont prouvé l'un avec l'autre, qui doit se vivre. Et ça, ça change la manière dont on fait de la poésie, Henri Skepi ? Oui, ça change un peu tout, si vous voulez. Ça conduit en tout cas ces auteurs à envisager le langage poétique comme véritablement une forme d'incarnation. Le langage poétique n'est pas désarimé de l'existence, il va avec la vie, il est dans la vie. Hein. Et je pense que chez Verlaine comme chez Rimbaud, et c'est un des points peut-être qui permettrait éventuellement de mieux souligner des rapprochements entre les deux œuvres, et notamment entre les deux poétiques, disons, eh bien, chez l'un comme chez l'autre, il y a cette recherche. Alors, vous avez des exemples ? Oui, mais ça passe, si vous voulez, pas chez Rimbaud, lorsqu'il écrit « Femme, mon sceau d'entrailles ». Bon, « mon sceau d'entrailles ». Alors, bien évidemment, le mot « entrailles » résonne de toute une... je dirais tout un écho hein, qui remonte même jusqu'à une certaine forme de liturgie. Mais cependant, c'est un terme qui renvoie la femme à ce qu'elle est dans cette société. D'abord un corps destiné à procréer, à engendrer. Voilà, hein, l'entraille, les entrailles, si vous voulez. Fruit de vos entrailles. Hein, bon, donc on est là-dedans, si vous voulez. Et donc c'est par le détour d'un mot qui est codé, hein, qui est marqué, que Rimbaud réintroduit, réinjecte du corporel dans le langage. Alors, vous en avez un autre exemple, peut-être plus saillant, plus marquant. C'est lorsque, dans la lettre du voyant, il se compare, si vous voulez, au comprachicos, et il dit, voilà, je me laisse pousser des verrues sur le visage pour m'enlaidir, hein, pour devenir véritablement laid, un petit peu. Donc, à l'arrière-plan, il y a une référence hugolienne, Gwynplaine, l'homme qui rit, etc. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est cela qu'il cherche. C'est une expérience qui d'abord passe par cette épreuve de refiguration de soi, mais aussi de défiguration de soi. Hein. Oui, parce que le corps, c'est évidemment le plaisir qu'on se donne l'un à l'autre, que Verlaine et Rimbaud se donnent l'un à l'autre, mais, et peut-être encore plus chez Rimbaud, c'est aussi la scarification, c'est aussi le corps douloureux. Et qui l'intéresse. Absolument, c'est le corps désirant et le corps malade. De toute façon, le corps n'existe que dans ces deux cas-là. On est bien d'accord. Notre corps est absent s'il y a absence de désir et s'il y a absence de douleur. Après, il y a la beauté plastique. Alors, il peut y avoir après des impressions, ce qu'on pourrait appeler schématiquement ici, en utilisant une vieille catégorie, l'esthétique, c'est-à-dire tout ce qui nous touche en termes de sensations ou d'impressions. Oui, absolument. Mais en tout cas, chez Verlaine surtout, il est vrai, et notamment dans la deuxième partie de son existence, sans doute l'avez-vous évoqué hier avec Jean-Baptiste Barognan, mais dans la deuxième partie de son existence, cette dimension douloureuse de la vie, hein, qui met en avant effectivement un corps malade, un corps souffrant, devient effectivement prépondérant. Oui, l'un comme l'autre, avec une jambe. Alors, qui sera malade, bien et sûr. Qui sera sans doute la cause, voilà, pour l'un comme pour l'autre, de leur mort. De leur mort. Et chez Rimbaud, effectivement, oui, c'est ça, la jambe, oui, bien sûr, c'est tout par de là, hein, chez l'un comme chez l'autre, effectivement. Alors là, on est véritablement dans l'anatomie, dans l'anatomopathologie même, et donc on dépasse les limites de l'œuvre, encore que, évidemment, l'un comme l'autre sont, comment dire, réancré dans l'existence par cette attache au monde, qui est l'attache douloureuse, et ou alors l'attache du plaisir. Bon, chez Rimbaud, le Rimbaud qui arrive à Paris en 71, en septembre 71, et qui se livre très volontiers aux excentricités des vilains bonshommes, des huitistes, il y a quand même à la recherche d'une forme de plaisir débridé, illimité. Il y a cette quête en lui, mais dont il sait pertinemment qu'elle est porteuse d'une ouverture existentielle, d'une démultiplication de la vie. C'est ce qui l'intéresse, c'est ça. Tout à l'heure, vous parliez de la puissance de Rimbaud, qu'on comprend tout de suite, alors qu'il a 16 ou 17 ans, enfin que Verlaine comprend tout de suite. Est-ce qu'on pourrait parler d'instinct chez l'un comme chez l'autre, d'un rapport à... Alors évidemment, le mot de nature devrait être mis entre beaucoup de guillemets, mais disons d'un rapport direct avec le ressenti instinctif. Oui, sinon le mot instinct, du moins celui d'intuition, une forme de perception intuitive immédiate qui fait que Verlaine ressent quelque chose. Quelque chose qui est là avant l'éducation qu'il a reçue, qu'ils ont reçue l'un et l'autre. C'est très difficile à démêler, bien sûr, mais je vois bien où vous voulez en venir en posant cette question, puisque l'un comme l'autre ont cherché en effet à se défaire de l'éducation qu'ils avaient reçue. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, selon des voies certes différentes, jusqu'au moment où véritablement ils collaborent, si je puis dire, j'emploie ce mot avec des guillemets, mais parce que ce n'est pas un travail collaboratif au sens propre du mot, mais enfin, il y a des échanges, il y a des discussions, il y a... Est-ce qu'ils forment une cordée, comme on dira après que Picasso et Braque inventent le cubisme ensemble? Au printemps, l'été 72, automne 72, il se passe quelque chose de cet ordre, oui, en effet, c'est évident, d'accord? Et c'est le moment de la grande fugue, si je puis dire, c'est le moment de la grande évasion, de l'échappée. Et là, on les sent porter par quelque chose qui est évidemment une énergie commune, une énergie partagée, alors érotique, bien évidemment, mais aussi poétique. Et les deux sont indissociables, à mon sens. Les deux sont indissociables. Alors, et on sent passer dans les textes de ces moments-là, les textes de l'été 72 chez Rimbaud, par exemple, et ceux qui suivent, on sent passer effectivement cette énergie. C'est ce qui nous trouble d'ailleurs aujourd'hui encore. Alors, leur histoire, on l'a vu hier, elle se termine par une dernière rencontre en 1875 qui m'a fait penser à ce que racontait Verlaine, mais alors même avant d'avoir rencontré Rimbaud, dans un de ses poèmes Colloque sentimental. Je voudrais vous faire écouter ce poème et puis vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Toujours vois-tu mon âme en rêve? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignons nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel, il marchait dans les avoines folles et la nuit seule entendit leurs paroles. La compagnie des auteurs sur France Culture, Henri Skepi. À quoi vous fait penser l'écoute de ce poème, lu, il faut quand même le signaler, ici par Roland Barthes, où les questions de ces deux spectres qui parlent de leur extase ancienne, on a vraiment l'impression qu'il s'agit de Rimbaud et Verlaine. Alors on peut effectivement aller dans ce sens, le texte prête en tout cas à cette hypothèse de lecture. C'est le poème conclusif des Fêtes Galantes. C'est un poème effectivement de clôture, fondu au noir, si je puis dire. C'est une fin, voilà. Et les deux fantômes finalement qui restent cette comédie du désir, puisque toutes les Fêtes Galantes forment une comédie du désir, s'éclipsent dans le noir. Bien. Alors, on peut bien sûr aussi, mais voyez, rétroactivement, hein, c'est nous qui projetons, qui investissons dans ce texte des choses. Pourquoi pas, bien évidemment, y lire aussi par anticipation ce qui adviendra de cette dernière visite dont vous parliez tout à l'heure à Stuttgart en 75, au moment où, au printemps 75, au moment où Verlaine rejoint Rimbaud. Qui lui est déjà bon sur une autre il est sur une dans un autre circuit, il a déjà envisagé les choses autrement. Alors il y a cette lettre de Rimbaud à Delahaye quand même qui date du 5 mars 1875 qui évoque cette visite et Rimbaud écrit, je vous rappelle cette lettre, Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces. Bon, je rappelle que Verlaine était converti, enfin il s'était converti il en prison. Il cherchait d'ailleurs à venir pour convertir Rimbaud. Voilà, absolument. Il cherchait à le ramener dans le droit chemin, etc., dans la voie de la lumière, enfin bref. Et Rimbaud écrit cette lettre magnifique. Verlaine est arrivé ici, donc l'autre jour, un chapelet aux pinces. 3 heures après, on avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur. Alors, il faut parler aussi un petit peu de la question politique qui est toujours en arrière-fond de leur relation, parce que c'est un siècle évidemment agité que le 19e des années 1970. Est-ce que les deux œuvres, celles de Verlaine et de Rimbaud, sont imprégnées par les événements de la Commune? Et puis on peut peut-être dire aussi en quelques mots quelle a été leur participation réelle à ces événements. Oui, elles sont en tout cas en résonance avec les événements de la Commune. Il faut quand même rappeler, avant d'en arriver, si vous voulez, à la Commune, puisque c'est quelque chose qui... Bon, il y a cette semaine sanglante hein, du 22 au 28 mai 71. Je rappelle tout de même que les lettres du voyant sont antérieures d'une semaine. Quelle prélude à cela, hein, la grande guerre de Paris dont parle Rimbaud, la bataille de Paris, c'est cela. Donc il est effectivement aimanté, attiré par cet épisode, par ce moment. Bien. Verlaine a toujours eu, vous le savez, des sentiments, des convictions républicaines et socialistes, hein, tout le temps, qui lui ont valu parfois d'ailleurs d'être un petit peu écarté, etc., à des moments. Et il a toujours cherché à publier un livre de poésie militante, de poésie sociale, les vaincus, auxquels il travaille entre ses différents recueils, ne l'oublions jamais, dans les années 60-70, il y travaille. Hein, et ces poèmes seront ensuite publiés, dispersés, si vous voulez, dans d'autres recueils. Mais bon, il y a cette ambition. Le plus radical, c'est quand même des deux, c'est quand même Rimbaud. Oui, le plus radical des deux, c'est Rimbaud, mais l'un comme l'autre, quand même, sont. Et c'est aussi un des points sur lesquels il faut insister, qui encore une fois, justifierait le rapprochement des sensibilités, des visées, peut-être même des œuvres. L'un et l'autre sont effectivement tout à fait gagnés hein, à la cause républicaine, anti-bonapartiste. Bon, ça, c'est un fait. Depuis, on le sait bien, la défaite de Sedan ne fait que on va raviver hein, cette question, mais elle était bien là, sous-jacente. Et il y a la Commune qui va faire en sorte que lorsqu'ils seront à Londres, n'est-ce pas, eh bien, ils baigneront, si je puis dire, dans le milieu des proscrits. Hein, donc voilà. Ils ont soutenu la Commune. Est-ce que ça signifie qu'ils y sont réellement beaucoup engagés? Non. Non, je crois que non, concrètement, si vous voulez, non, c'est du mythe, si vous voulez. Hein, il n'y a pas de voilà. Il y a simplement une imprégnation, une sorte de comment dire, de résonance prolongée hein, de l'esprit communard dans l'œuvre de Rimbaud, comme d'ailleurs dans l'œuvre de Verlaine, mais à aucun moment de leur part il y a eu, si vous voulez, un engagement, je dirais, de combattants. Mais alors, dans les œuvres, c'est présent de quelle manière? Est-ce que ça n'est pas simplement présent d'une façon allégorique? Est-ce que ça n'est pas simplement comme ça, une espèce de décor? Il n'y a pas vraiment de relation, par exemple, de ces journées-là? Comment, finalement, ça s'intègre? C'est un esprit, si vous voulez, hein, c'est-à-dire que ça prend place d'abord comme une façon de mettre en mouvement et en péril du même coup l'édifice des valeurs. Alors ça commence bien évidemment par les valeurs bourgeoises, les valeurs qui ont perduré, qui ont été pour ainsi dire pérennisées, consacrées. Ces valeurs-là sont mises à mal, elles sont prises pour cible dans la plupart des poèmes de Rimbaud, y compris les premiers poèmes de Rimbaud, vous le savez, hein, et les choses s'intensifient. Hein. L'anticléricalisme de Rimbaud, comme d'ailleurs celui de Verlaine jusqu'à un certain point, hein, sont aussi marqués, si vous voulez, du sceau, hein, du timbre de l'esprit de la Commune. Mais Verlaine va faire plutôt le trajet inverse, puisqu'il se convertit et il va devenir presque papiste. Alors voilà, lui va faire son trajet inverse, si je puis dire, à partir du moment où il entre en prison, vous le savez, hein, donc la conversion a lieu à ce moment-là, et le recueil qu'il compose alors, enfin les poèmes qu'il compose alors, destinés à un recueil qui se fut appelé Cellulairement, retrace, si vous voulez, cet itinéraire de la conversion, de l'acheminement vers la béatitude, etc. Bon, alors il y a cela chez Verlaine. Mais méfions-nous, ce n'est pas parce que Verlaine emprunte cette voie, contrairement à Rimbaud, qui semble avoir été fidèle jusqu'au bout à ses convictions, qu'il renie pour autant cet esprit sédicieux qui est le sien. Il y ajoute quelque chose de mystique, tout simplement. C'est aussi une manière de résister à des formes qu'il juge comme étant la consécration de l'esprit bourgeois dans son temps, et là nous sommes dans les années 80-90, c'est-à-dire le scientisme, le positivisme, tout ce sur quoi une bourgeoisie athée va fonder, structurer son empire. Henri Skeppy, on continue de parler de Verlaine et Rimbaud en seconde partie de cette émission, mais tout de suite c'est le moment de la chronique, elle vous est proposée aujourd'hui par Philippe Roger. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Un mot sur Verlaine et Rimbaud, je suis sûr que vous en avez envie. Ah ben je ne me lasserai pas de vous entendre en parler tous les deux, comme je ne me lasse pas de le lire. Mais je fais partie de la génération, je crois, qui a eu la chance de découvrir lycéens Verlaine et Rimbaud quand ils étaient encore un peu des poètes maudits. Ça paraît maintenant, c'est des poètes officiels, vous croyez? Ben écoutez, vous parliez tout à l'heure du coup de feu, le fameux coup de feu de 1873. Je ne vais sans doute pas vous l'apprendre à vous, mais peut-être à quelques auditeurs. Je passais par Bruxelles récemment, une belle ville que j'aime bien, et j'ai vu une plaque qui n'est pas toute neuve, une plaque gigantesque, impressionnante, très belle d'ailleurs, en marbre certainement, qui commémore le coup de feu. Et je voudrais vous la lire parce que c'est quand même très drôle. Ici s'élevait l'hôtel à la ville de Courtrai, à la ligne, où le 10 juillet 1873, à la ligne, Paul Verlaine blessa Arthur Rimbaud d'un coup de revolver. Je trouve ça merveilleux que le coup de revolver soit gravé dans le marbre. Elle a été réalisée, cette plaque, par la communauté française de Belgique à l'occasion du centenaire de la mort d'Arthur Rimbaud. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer encore plus à la postérité? Peut-être. Alors, vous avez eu tout à fait raison de nous faire entendre ce magnifique poème lu par Roland Barthes, parce qu'il y a un texte de Barthes fort peu connu, puisqu'il ne l'a pas repris vraiment, sur le mythe Rimbaud, où il tient une position très paradoxale, puisque loin d'être le mythologue que nous connaissons, Barthes dit le plus intéressant dans Rimbaud, c'est peut-être le mythe Rimbaud, hein, ce qui est tout à fait bon, texte à relire. Alors, le numéro de Critique en ce moment en kiosque n'est pas tellement tourné, c'est une exception finalement, vers la littérature, mais plutôt sur la philosophie, puisque vous avez consacré un dossier à Jocelyn Benoît et à son œuvre. Oui, alors nous faisons souvent place à la philosophie, bien sûr. C'est une œuvre importante, celle de Jocelyn Benoît, à la fois par son ampleur, il est l'auteur de 15 livres déjà, et la singularité de son parcours. Il vient de la tradition phénoménologique, il a croisé les chemins de Wittgenstein, de Austin, Cavell. Je reprends une jolie formule ici de Christiane Chauviré, qui a réuni les textes de ce numéro. Il a franchi le Rubicon de la philosophie analytique, et notre dossier comprend des textes de Marcus Gabriel, de Bruno Carcenti, d'Élise Maroux et de Ronan de Calan. Et au centre du questionnement de Jocelyn Benoît, il y a la question du réalisme. Un réalisme résolument non spéculatif, un réalisme contextuel, inséparable des manières de dire et de faire. Et dans l'entretien qu'il nous a accordé, il pose la question « Qu'est-ce que rendre justice aux choses ?» Et je ne peux pas m'empêcher d'entendre Francis Ponge et son parti pris des choses. Donc vous voyez finalement, compatibilité peut-être de la philosophie et de la poésie, sûrement. Oui, mais pas si loin de la poésie. Un dernier mot peut-être pour rendre hommage à Jean Starobinski qui nous a quittés le 4 mars dernier. Philippe oui, je vous remercie, cher Mathieu, de m'en donner l'occasion. Je voudrais pas clore cette chronique sans prononcer moi aussi ce nom, celui de Jean Starobinski, et dire le profond chagrin dans lequel nous laisse sa disparition. Il était membre du comité d'honneur de critique. Il était l'un des plus fidèles amis de la revue. Tout le monde sait qu'il fut médecin, d'ailleurs c'est intéressant que les premiers articles qu'il ait donnés dans Critique dans les années 50 étaient des articles sur les ouvrages de médecine. Critique littéraire, on le sait, historien des idées, un homme d'un savoir exceptionnel, d'une générosité profonde, et il restera dans notre mémoire comme un lecteur fabuleux, mais aussi comme un théoricien discret, subtil, d'une approche très particulière de la littérature, puisqu'on pourrait dire en deux mots, ce seront mes derniers mots, que son approche, celle qu'il préconisait, a toujours été à la fois très rigoureuse, c'est-à-dire une manière de se tenir à distance ou à la bonne distance, et en même temps, je dirais, extraordinairement caressante pour les textes. Mmh. Critique lui a consacré de nombreuses études au fil des années, et encore, je me permets de le rappeler, un numéro spécial en juin 2018, Jean Starobinski, haute fidélité, c'est ce que nous essaierons de garder aussi à sa mémoire. Et puis il y a aussi un quarto chez Gallimard qui regroupe un certain nombre de ses œuvres. Merci beaucoup Philippe Roger. Merci. Et donc la nouvelle livraison de la Revue Critique, elle est disponible en librairie. À très bientôt. Sur France Culture, au deuxième jour de notre série consacrée à Paul Verlaine et par ricochet aujourd'hui à son complice Arthur Rimbaud, à qui il a consacré un chapitre de son livre Les Poètes Maudits, dont voici un extrait. Félix Fénéant a dit, en parlant comme il faut des illuminations d'Arthur Rimbaud, que c'était en dehors de toute littérature et sans doute au-dessus. On pourrait appliquer ce jugement au reste de l'œuvre, poésie et une saison en enfer. On pourrait encore reprendre la phrase pour mettre l'homme en dehors en quelque sorte de l'humanité et sa vie en dehors et au-dessus de la commune vie. Tant l'œuvre est géante, tant l'homme s'est fait libre, tant la vie passa fière, si fière qu'on n'a plus de ses nouvelles et qu'on ne sait pas si elle marche encore. Le tout simple comme une forêt vierge et beau comme un tigre, avec des sourires et de ces sortes de gentillesse. Bien des avis se partagèrent sur Rimbaud, l'individu et le poète. D'aucuns crièrent à ceci et à cela. Un homme d'esprit a été jusqu'à dire « mais c'est le diable ». Ce n'était ni le diable ni le bon Dieu, c'était Arthur Rimbaud. C'est-à-dire un très grand poète, absolument original, d'une saveur unique, prodigieux linguiste. Un garçon pas comme tout le monde, non certes, mais net, carré, sans la moindre malice et avec toute la subtilité de qui la vit, à lui qu'on a voulu travestir en loup-garou et tout en avant, dans la lumière et dans la force, belle de logique et d'unité comme son œuvre. Une lecture par Jean Negroni, c'est tout de même une belle marque d'amour à la fois pour l'homme et pour l'œuvre, Henri Scapin. Oui, c'est un texte très, très, très connu de Verlaine, très, très ambivalent en même temps, puisqu'il il contribue très largement au mythe, Rimbaud en dehors de l'humanité, enfin, au-delà de la commune mesure. Bon. Et dans le même temps, c'est, dit-il, Arthur Rimbaud, ce n'est pas l'homme carré, etc., ce n'est pas le diable. Donc il y a une sorte de... Vous voyez, d'oscillation permanente dans ce discours chez Verlaine, entre d'une part la tentation du mythe, de la mythologie, Rimbaud, et l'attachement finalement à ce Rimbaud qu'il a connu. Mais ça crée un deuxième mythe, parce qu'aujourd'hui le mythe Rimbaud, c'est autant justement cet homme aimé par Verlaine que l'auteur lui-même. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, parce que il est clair que le Rimbaud que nous lisons, et parfois de la façon dont nous le lisons, est un Rimbaud créé par Verlaine, enfin je veux dire un petit peu façonné par lui. Il est un des premiers à parler de Rimbaud. Hein. Sans Verlaine, Rimbaud serait oublié, vous croyez ? Certainement pas, non. Mais je pense qu'il a contribué à l'installer dans, je veux dire, d'abord dans le paysage poétique des années 1880. N'oublions jamais que ces années-là sont des années importantes pour l'évolution poétique, comme on disait alors. C'est-à-dire que ce sont des années qui voient apparaître ce qu'on va appeler la décadence, le symbolisme. Enfin, il y a un renouveau, disons, du langage poétique qui se met en place. Et nul doute que Rimbaud, tel qu'il est en tout cas perçu et présenté par Verlaine, ne contribue à cette mutation du langage poétique de ce moment-là. Donc, il s'inscrit dans le paysage immédiat et il prend place dans le même temps dans une histoire au plus long cours, si je puis dire, qui va comme certains observateurs ne manqueront pas de le dire, à l'aube du siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui échappe un petit peu aux catégories, qui sort des rails de la poésie française, mais qui en même temps conduit la poésie vers un ailleurs. Donc ils sont tous les deux au début vraiment de quelque chose, et finalement leur rencontre, elle se fait autour de ce qu'on pourrait appeler un projet, même s'il n'est peut-être pas comme ça aussi clairement énoncé, qui est de mener un combat pour une autre poésie, pour une nouvelle poésie. Alors oui, je ne sais pas s'il s'agit d'un projet ou, enfin, en tout cas, il y a chez l'un comme chez l'autre le désir d'élargir un petit peu les limites de la poésie. Voilà, de faire en sorte qu'on respire un peu plus. Alors ça peut prendre la forme d'un projet concerté, si on considère par exemple que la lettre du 15 mai 71, la lettre dite du voyant, forme un programme poétique, forme un projet. On peut en douter. On peut en douter. C'est un écrit passionnant, passionné, exalté, à la fois maîtrisé et exalté, d'un jeune poète qui a beaucoup lu et qui sait à peu près situer son entreprise, ou du moins le désir qu'il a de prendre place dans la poésie, à partir de ce qu'il sait des autres. Bon. Et il le dit très bien. Voilà. Il dit, par exemple, il dit ce qu'il y a à dire de Baudelaire, que nous citions tout à l'heure. Bon. Mais de projets concertés, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. C'est en tout cas, l'un comme l'autre avait, pour le coup, l'intention d'être publié et reconnu comme poète. Et d'inventer une harmonie étrange et fantastique, comme l'écrit Verlaine dans Nocturne parisien. Alors oui, d'inventer effectivement une harmonie étrange et fantastique, de trouver comme ça la clé d'un nouveau langage poétique. Je crois que ça vient en 72, justement pendant la période que j'évoquais tout à l'heure, du printemps, de l'été, de l'automne 72. À ce moment-là se joue quelque chose qui, en effet, échappe véritablement aux grilles habituelles, si vous voulez, de l'histoire de la poésie française. Avec des textes comme, par exemple, ce qu'on appelle chez Rimbaud les derniers vers ou les vers nouveaux, qui figurent en partie dans Alchimie du verbe de la saison, et chez Verlaine, les romances sans parole. Alors, il n'y a pas vraiment de projet, le mot projet n'est sans doute pas le plus approprié. Est-ce que ça signifie quand même qu'il n'y a pas une réflexion profonde sur ce que c'est que faire de la poésie et sur ce que c'est que la poésie telle qu'elle doit être à l'époque où ils l'écrivent, Henri Skepine? Oui, il y a, à défaut de projet, il y a cependant, et là vous avez parfaitement raison, une réflexion continue. Mais jusqu'où peut-on parler par exemple de théorie? Théorie. Le mot théorie, vous savez, donner des boutons à Verlaine, il ne voulait pas qu'on le traite, qu'on le qualifie de théoricien. Par exemple, l'art poétique que l'on lit aujourd'hui dans les classes, du moins j'imagine, dans les classes de lycée, en tout cas à l'université à coup sûr, et qu'on présente comme une sorte de programme, peut-être poétique, d'art poétique, moderne, si vous voulez, eh bien, pour Verlaine, c'est une chanson, c'est quelque chose de léger, ne valant que pour lui. Ah bah justement, on va écouter un extrait de cet art poétique de Verlaine. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. C'est de beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet œil de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Sur France Culture et cette lecture par Jean Negroni de la musique avant toute chose, ça résume tout le programme. Alors ça résume tout le programme, en effet, vous avez raison, et c'est le vers proverbial qu'on cite très volontiers lorsqu'on pense à l'art poétique, et surtout lorsque l'on situe, comme nous avons tenté de le faire tout à l'heure de façon un peu schématique, l'art poétique dans ce mouvement, cette avancée de la poésie des années 80, le symbolisme et la musique, la poésie, c'est poésis ut musica en quelque sorte, de la poésie comme de la musique. Il semblerait que Paul Valéry a écrit des pages impérissables là-dessus, que justement la poésie ait eu la tentation, le désir de reprendre à la musique son bien, disait-il. Bon, très bien. Mais Verlaine dit autre chose dans ce texte. Il parle de nuance. Voilà, il parle de nuance. Il réécrit à sa manière, si vous entendez bien le poème, il réécrit à sa manière Correspondance de Baudelaire. Ce ne sont plus les correspondances romantiques ou post-romantiques de Baudelaire, mais quelque chose d'autre. Il est en train d'imaginer un langage qui serait la synthèse, finalement, de tous les ordres de perception, de tous les niveaux de sensation, un peu comme les correspondances de Baudelaire, mais qui, en même temps, soit, en quelque sorte, imprécis, indécis. C'est ça la nuance, quand il dit qu'il ne veut pas la couleur, par exemple. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que, un petit peu, comme les peintres impressionnistes, il ne faut pas trop éclairer, il ne faut pas sortir de ce très beau brouillard? C'est ça, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait en poésie, vous savez, c'est ce que disait Baudelaire, dans ses écrits intimes, il faut qu'il y ait du mystère en poésie, il faut qu'il y ait quelque chose de mystérieux. Bon. Et ce sens du mystère, que Baudelaire hérite des Garpeaux, on voit ce qu'en fait Verlaine, la nuance. Alors on peut parler effectivement ici d'un élément crypto-impressionniste, pourquoi pas, bien que le terme soit totalement, enfin, me semble pas vraiment approprié, poésie impressionniste plutôt du côté des paysages belges, des romances sans parole, mais pas vraiment dans ce sens du fondu, de l'indistinct. Cette recherche-là, elle est déjà ancrée dans la démarche verlainienne des premiers jours. On l'a, par exemple, dans les paysages tristes des poèmes saturniens, dès la fin des années 60. C'est déjà là. Bon, voilà. L'art poétique fait davantage la synthèse de ce que Verlaine a fait qu'il n'annonce ce qui va venir. Un peu comme l'art poétique de Boileau, finalement, auquel le titre du poème se réfère. L'art poétique de Boileau, c'est un texte tardif qui fait la synthèse du siècle, mais qui n'a pas du tout vocation à dire « voilà, vous allez faire ceci, cela ». Donc Verlaine explique son art dans l'art poétique, et puis Rimbaud, il n'a pas écrit l'art poétique, mais il a quand même écrit un certain nombre de choses. Donc les lettres du voyant dont on parle depuis tout à l'heure, et puis aussi le sonnet qui s'appelle Voyelle, et dans lequel il y a des propositions pour rénover le langage. Ce poème commence ainsi: A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Là, c'est un manifeste de ce que les voyelles peuvent produire. C'est une question immense, parce que bon, vous savez que ce sonnet généré une masse considérable d'écrits critiques, d'exégèses. C'est du pain béni pour les universitaires. D'hypothèses, voilà. Alors donc, je crois que Kétiamble avait réuni d'ailleurs en un volume, comme il savait si bien faire avec beaucoup de sens critique et satirique, souvent, la majeure partie de ces travaux sur voyelles. Alors c'est vrai que c'est un texte qui est toujours surprenant, parce que doit-on l'inscrire lui aussi dans la chaîne des correspondances qui marque, je dirais, l'ontopoétique romantique, hein, c'est-à-dire cette idée selon laquelle la poésie est à faire avec le mystère de l'être, le fond de l'être, finalement, hein, et que le langage poétique n'a rien d'ornemental, mais qu'il dit la vérité des choses. En somme, c'est une position de Heidegger, si vous voulez, hein, à la fin, au bout des choses. Mais est-ce qu'on doit l'inscrire dans ce cheminement, ou est-ce qu'il prend place en marge comme quelque chose d'un peu expérimental, comme une tentative, dont on se demande d'ailleurs si l'auteur lui-même voit les tenants, les aboutissants. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est ça qui fait le génie de Rimbaud. C'est qu'il expérimente des choses, il lance des trucs poétiques, si vous voulez. Et ça donne quelque chose. Hein. Il produit cette étincelle motrice dont parlera André Breton, hein, qui fait que la poésie est autre chose qu'une simple façon de mettre bout à bout des mots, fût-ce au gré de l'harmonie, hein, qu'elle est une manière, effectivement, aussi de faire éclater un petit peu les limites de l'existence. Et il est vrai que voyelle, c'est cela. Est-ce que c'est un syllabaire fantaisiste? De quoi nous parle Rimbaud? Est-ce qu'il part d'une palette de couleurs à laquelle il attribue des voyelles, des lettres? On est quand même confronté à cela. Alors, il est vrai que l'histoire de la poésie, venant après lui, n'est-ce pas, notamment avec les symbolistes, nous a habitués à lire ce texte comme prenant rang dans ce cheminement, cette mutation du langage poétique que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, à ce titre, aujourd'hui, il est un des fleurons de notre patrimoine poétique moderne. Mais quelle était l'intention? Il faut rester très très modeste. Il nous reste quelques minutes, Henri Skepi, puisque vous avez préfacé un certain nombre des recueils, justement, dans ce quarto Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. J'aimerais que vous nous disiez un peu l'entrecroisement à l'œuvre dans certains d'entre eux. Je vais vous laisser la parole. Lequel vous semble finalement le plus symptomatique de cet entrecroisement? Alors, c'est sans surprise, comme je l'ai déjà dit, je crois, de façon assez claire, c'est Romance sans parole de Verlaine, qui est non seulement... Pour vous, c'est le sommet. Hein. C'est-à-dire que tous les Verlainiens s'accordent à dire, et je crois à raison, que c'est quand même le recueil le plus accompli. Comme les Illuminations seraient pour vous le sommet chez Rimbaud. Voilà. Alors, nous sommes là avec les Illuminations dans quelque chose qui est de la prose. Donc, c'est bon, avec Verlaine, c'est du vers. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ce vers, il est travaillé de telle façon, selon justement les principes ou les propositions de l'art poétique. Hein. N'oublions pas que l'art poétique est contemporain des romans sans parole, publiés plus tard, certes, mais contemporain de l'élaboration de ce recueil, et qu'il fait la synthèse, donc, d'une démarche, à défaut de clarifier un programme ou un projet. Mais au moins une démarche. Quelque chose d'empirique, finalement, chez Verlaine, comme chez Rimbaud, d'ailleurs, qui doit être souligné. Et je pense que ce recueil illustre parfaitement, en effet, les échanges, les interactions productives qu'il y a entre les deux écrivains. N'oublions pas que c'est Rimbaud qui donne pour la première fois, au printemps 72, à Verlaine, l'Ariette de Favart, qui lui dit « Tiens, regarde, ça va t'intéresser ». Essaie de faire ça. Et alors, parce que c'est lui qui donne les consignes. Est-ce qu'on peut aller même plus loin? Est-ce qu'on peut donner un exemple? Je ne sais pas, un poème, un vers? Oui, bien sûr. Alors, je vais tricher un peu, mais prenons la troisième Ariette des Ariettes oubliées, donc qui est la première section donc du recueil. Je vous rappelle que cette Ariette est précédée d'une citation d'Arthur Rimbaud. Il pleut doucement sur la ville. Arthur Rimbaud. Mais nulle part, vous ne trouverez ce vers de Rimbaud, qui est hors corpus, hors champ. C'est un mot de Rimbaud que Verlaine a placé en exergue, n'est-ce pas ? Et le texte suit comme une sorte de modulation venant s'inscrire dans la continuité de la voix de Rimbaud, avec cette nuance dont parle justement Verlaine. Il ne s'agit plus de dire « il pleut doucement sur la ville », mais, et c'est l'attaque du poème, « il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Voilà. Et inversement, est-ce que le flux d'inspiration est plus voyant, plus visible de Rimbaud vers Verlaine que dans l'autre sens ? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à dire oui parce que tout démontre que Rimbaud a eu ce rôle, voilà, c'est lui qui, il le dit bien, la lettre que vous avez fait entendre tout à l'heure, enfin l'extrait de la lettre que vous avez donné à entendre en début d'émission l'indique assez bien, c'est lui qui mène le jeu. Peut-être aussi parce qu'il a 10 ans de moins et qu'il est à un âge où finalement on a besoin d'absolument aucune référence. Sans doute aussi, oui, il se sent beaucoup plus libre, d'ailleurs il en a conscience, mais cette liberté a été conquise. Ce n'est pas un donné naturel, elle a été conquise, et il faut bien le comprendre. Mais je crois que c'est lui quand même qui donne le là, qui donne le ton. Merci beaucoup Henri Skepi d'être venu nous parler aujourd'hui des œuvres entrecroisées de Verlaine et de Rimbaud. Je rappelle que vous avez coédité le volume des œuvres presque complètes des deux poètes dans la collection Quarto chez Gallimard sous le titre « Un concert d'enfer ». C'est la Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Morgane Danon. Demain, nous parlerons de l'homosexualité masculine et aussi du saphisme comme thème des poèmes verléniens. Mais tout de suite, on continue en poésie avec les choix de texte de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Allons-y au purgatoire. Avec Dante et Virgile, nous montons chaque jour vers l'ineffable Béatrice. La jonction est prévue jeudi. Et la jonction crée l'orgasme, disait finement Louise Kuttner, qui était un gros poète. En attendant, il nous faut effacer, il nous faut purifier nos péchés capitaux. Ils sont 7, c'est du boulot, ils sont 7 au moins, comme les petits nains autour de Blanche-Neige. Aujourd'hui, purgatoire de l'orgueil. C'est un extrait. Lecteur, ne regarde pas la forme du martyr. Pense à la suite. Pense qu'il ne pourra, après le jugement, devenir pire, le martyr. Je commençais, c'est Dante qui parle, « Maître, ce que je vois venir vers nous n'a pas l'air d'être humain ou ne sait quoi, tant ma vue se fourvoie. » Et lui, à moi, la pesanteur sans fin de leur tourment à terre les ratatine, au point que mes yeux ne distinguaient pas bien, mais fixe bien ça et désembobine du regard ce qui vient de sous ces pierres, tu découvriras comment chacun s'échine. Ô chrétiens orgueilleux, traîne misère par ces cités mentales, maladroits qui marchaient en toute confiance à l'envers. Nous sommes des vers, ne le voyez-vous pas, nés pour devenir célestes papillons qui vont vers la justice d'un vol droit, et Dante de leur dire « Pourquoi votre esprit fait-il le fanfaron quand vous êtes presque des larves en surcroît comme un ver qui a raté sa formation ?» De fait, ils étaient plus ou moins fléchis selon ce que leur dos avait reçu. Celui qui semblait avoir le plus subi semblait dire en pleurant « Je n'en peux plus ». Le noble sang, les exploits légendaires de mes aïeux me firent si arrogant que sans penser à la commune mère, j'eus pour tout homme un mépris si puissant que j'en mourus, comment sienne le sait, et à campagna fico chaque enfant. Je suis Umberto, l'orgueil n'a pas causé de tort qu'à moi. Un peu plus loin, il dit, on liquide un tel orgueil en ce lieu où je ne serai pas, sans le besoin encore pécheur de me tourner vers Dieu. Ô vaine gloire des pouvoirs humains, combien peu de temps le ver des sommets dure si un âge plus grossier ne survient? Cimabue a cru de la peinture être champion, Agiotto le crédit rendant la gloire du premier obscur. Un Guido a ôté à l'autre ainsi la gloire de la langue. Peut-être est né celui qui tous deux les chassera du nid. Mais que souffle de vent la renommée qui vient tantôt d'ici, tantôt de là, et change de nom en changeant de côté. Ton nom sera-t-il plus grandi si s'en va ta chair vieillie? Moment par rapport à l'éternité, plus bref qu'un sillement au cercle du ciel qui lentement se tord. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de textes tirés du Purgatoire de Dante.